vente ou apport de fonds de commerce, publication dans un journal d'annonce légale. La loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias rétablit l'obligation de publier sous forme d'extrait ou d'avis l'acte de vente ou d'apport de fonds de commerce dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette obligation de publication dans les 15 jours de la vente ou de l'apport du fonds de commerce s'applique pour les opérations intervenues depuis le 16 novembre 2016.